Vendredi 24 mars, bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10 heures. Et ce matin, le sujet, c'est pas un sujet qui est très facile à aborder, je dirais. Je pense que c'est un des sujets cette année qui est assez délicat, même si je sais qu'à chaque semaine, on n'a pas tout le temps les sujets les plus hop la vie, là. Mais j'essaie tout le temps de vous inspirer tout de même et d'ouvrir les idées aux tabous et aux préjugés. Donc, ce matin, on parle de choc post-traumatique. On sait tous que ça prend du sang-froid pour faire un métier comme celui de policier, de pompier, paramédic, de gens qui vont aider, les gens qui vont être dans le domaine de la santé aussi. On a aussi tout de suite le réflexe de penser que c'est des personnes fortes. On les voit dans leur domaine de travail, on les voit comme étant invincibles pratiquement. Mais on oublie souvent que derrière les uniformes, il y a des humains. Et pour eux, une fois rendus chez eux, le tiroir à images là, qu'on peut avoir, qu'on s'est fait dans la journée, si on a vécu un choc ou quoi que ce soit, ça se ferme pas si rapidement que ça. Et puis, ça peut, que ce soit le stress ou le choc post-traumatique, on va en parler avec mes invités, de faire un peu, de départager qu'est-ce que c'est exactement le bon terme. Mais tout ça, ça peut affecter quand même en bonne partie les travailleurs, les travailleuses, leur vie personnelle aussi, leur vie professionnelle, évidemment. Et puis ce matin, je reçois pour en parler avec moi Jacques-Denis Simard, directeur général de la Vigile, et Michel Gagnon, qui est criminologue, psychothérapeute à la Vigile aussi. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci de venir parler d'un sujet que je disais qui était un des plus délicats cette année que j'avais à aborder. J'en ai eu beaucoup, des sujets délicats, mais celui-là, je trouvais, parce que on a l'espèce de stigmate du policier qui a son arme, puis tout ça, qui est invincible, qui a toujours l'air, on dirait qu'il est détaché de la situation. On peut même avoir l'impression qu'ils sont froids, tout ça, on a un stigmate par rapport à l'uniforme, on dirait. Je ne sais pas si c'est l'uniforme en tant que tel qui nous donne cette impression-là. Vous en côtoyez à la Vigile? Oui, effectivement, ça fait partie de nos clients. Hein. Oui, tout à fait, oui. Oui, la Vigile, rapidement, parce qu'on va revenir plus tard dans l'émission en expliquant vos services, tout ça. La Vigile, vous êtes spécialisée pour les chocs post-traumatiques des gens qui portent l'uniforme. Oui, entre autres, mais nous avons six programmes de thérapie dans la maison. Mm-hmm. On a un programme dépendance 30 jours, programme dépression 30 jours qui touche à l'anxiété, le deuil, puis toutes les toujours formes. En lien avec le choc post-traumatique? Pas toujours. Okay. Pas toujours, mais on parle de comorbidité. Donc, quelqu'un peut vivre un choc post-traumatique puis vivre une dépression en même temps. Mm-hmm. Donc, on va traiter les deux. Okay. Mais on peut aussi développer un problème de dépendance ou d'alcool, de consommation alcoolique abusive parce que la souffrance est trop forte. Mm-hmm. Donc, on peut faire le lien avec le TSPT ou le choc post-trauma. Okay. On a aussi un programme de gestion d'anxiété, gestion de la colère et le répit qui est aléatoire, c'est-à-dire qu'on va préparer, on va permettre à la personne de répondre à son besoin coûte que coûte. Mm-hmm. Ça peut prendre quelques jours, comme ça peut prendre quelques semaines. Quelques semaines, est-ce que ça peut aller même des mois? Ou... Oui, on a eu quelqu'un... Ça peut être longue durée pratiquement. On a eu des gens qui sont restés chez nous jusqu'à 4 mois et demi. Et c'est... En commençant, j'aimerais ça qu'on puisse établir qu'est-ce que c'est qu'un choc post-traumatique ou un stress post-traumatique, puis j'ai même lu un trouble du stress post-traumatique. Quel est le bon terme? Est-ce qu'il y a des différences dans toutes ces appellations-là? Oui, effectivement, il y a des différences. On va retrouver le stress lui-même qui va être vécu par la majorité des gens et après ça, la cause qui peut devenir traumatique. Mm-hmm. Donc, les gens qui vont avoir été exposés à des événements très violents, par exemple, ce qui peut susciter la mort, des blessures graves. En fait, le trauma vient surtout se placer quand une personne est en contact avec un événement qui vient briser un de ses ancrages dans sa tête, une valeur qu'elle avait. Okay. Par exemple, on se lève tous le matin et on prend pour acquis qu'on est comme un peu invulnérable. On mm-hmm. prend la vie comme allant de soi. Mm-hmm. Dans la journée, on peut être exposé à un événement, par exemple, où on est confronté à la mort et on réalise que c'est un événement qui est présent, une réalité, et ça nous ramène à nous-mêmes et à notre finalité. Bon, dans ce sens-là, il peut, et le trauma, souvent le choc post-traumatique, lui, va se traduire par un dysfonctionnement okay. dans le quotidien, lié à un événement qu'on va avoir vécu. En fait, le DSM-5 va identifier 4 types de symptômes qui vont être liés à un trauma. Le premier, c'est ce qu'on appelle la réviviscence. Là, je vous vois avec des grands yeux. Qu'est-ce que la réviviscence? J'ai vu ça passer dans mes recherches. C'est ça. Je pense que j'aime mieux que vous me l'expliquiez que moi de l'expliquer. En fait, on pourrait définir la réviviscence comme revivre l'événement sur une bande continue. C'est tellement plus clair que ce que j'ai lu, de la manière que vous me l'expliquez. Donc, la personne maintient toujours le trauma dans sa tête, maintient l'événement. Mm-hmm. Et il y a une imprégnation de plus en plus forte dans son cerveau. Okay. Et qui crée une perturbation. Je m'excuse, l'événement, est-ce qu'elle peut se modifier à un moment donné à la force de la revivre? À oui. force de la revivre, elle peut se modifier à un moment donné, devenir pire ou moins pire? Ou... Et là, on va retrouver dans ce sens-là, chez certaines personnes, la capacité, ce qu'on va appeler la capacité de résilience. Ah, OK. OK, donc il y a des gens qui vont vivre des événements traumatisants et qui vont posséder un certain ancrage de base qui vont leur permettre d'être capables de s'en sortir et de continuer. C'est Boris Cyrulnik qui est un psychanalyste qui avait travaillé là-dessus à un moment donné. Il se demandait comment ça se faisait qu'il y avait des Juifs qui avaient survécu à la Shoah. Ouais. La Deuxième Guerre, les camps d'internement nazis, alors qu'il y en a qui s'étaient laissés mourir. Ouais. Et il avait réalisé là-dedans que ce que les gens qui arrivaient à se donner une mission dans la vie, apporter à l'autre, donc étaient capables de subir des événements traumatisants graves, mm-hmm. mais leur ancrage était, ils arrivaient à compenser en donnant à d'autres. Okay. Ce qui les nourrissait sur le plan psychologique. Donc, c'est vraiment un but, un objectif personnel selon nos valeurs qui est tellement fort. C'est ce qui a aidé ces gens-là à passer au travers. Exactement. Oui, on pourrait dire que bon, la résilience vite faite comme ça, là, c'est l'ouverture à l'autre. Oui. Okay? Un autre des symptômes qu'on va retrouver dans le DSM-5 qui est lié au trauma, c'est l'évitement. Mm-hmm. Donc, éviter... Par exemple, des situations qui peuvent nous faire un lien avec un événement traumatisant. Mm-hmm. Par exemple, des gens qui, je pourrais dire, admettons, ont vécu un accident grave, il y a eu des sirènes, il y a eu des bruits, et ils vont s'isoler. Ils vont avoir de la difficulté à se retrouver dans un endroit, par exemple, où ils pourraient être exposés mm-hmm. à des éléments comme ça. Parce que ça va les ramener, la reviviscence, ouais. dans l'élément traumatisant. Donc, ils vont se refermer sur eux-mêmes. Ils vont s'isoler. Mm-hmm. Ensuite de ça, un autre terme qui n'est pas toujours évident, c'est l'altération négative persistante dans les cognitions. OK? Et dans les humeurs. Plus simplement, on pourrait dire une incapacité à ouais. se rappeler okay. de façon détaillée certaines choses. Comme donc, la mémoire qui effacerait. Exactement. Qui serait coupée. Il y a une partie de ma vie qui a été coupée. On va entendre ça chez les gens qui ont vécu un trauma. C'est comme s'il y avait une partie de ma vie qui avait été effacée dans ma tête. Mm-hmm. Okay. Donc, c'est cette incapacité-là, donc ça, cette altération-là, on va la retrouver chez les gens qui ont vécu un trauma. Ensuite, le dernier qu'on pourrait dire, c'est ce qu'on peut appeler l'hyperactivité, ou on pourrait dire les gens qui sont toujours en état d'alerte, l'hyper-alerte. L'hypervigilance. Exactement, aussi. L'hypervigilance. Par exemple, on va retrouver chez les militaires qui ont souvent été exposés à des bombes, des grenades qui explosent, etc., etc., des coups de feu même. Puis à un moment donné, ça va cogner fort dans une porte et ils vont sursauter. Oh, ouais. Et tout de suite, le lien va se faire avec l'élément traumatique. Et ça va les déstabiliser. Ça va les déstabiliser. J'ai lu aussi qu'il y en avait qui pouvaient devenir violents. Là, on va tomber effectivement dans des processus de compensation. Ah, OK. OK. Donc, là, ça peut être la violence, effectivement, parce que les gens sont déstabilisés et... système de protection. Oui, hein? C'est ça. Le cerveau va interpréter ça comme étant une agression alors que ça n'en est pas une. Et ils vont réagir en fonction de cette agression virtuelle, si on peut dire. Oui. Donc, ils vont réagir avec violence par rapport à ça. L'élément déclencheur, donc on parle de valeur qui a été affectée, qui a été quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a vécu, ça peut être aussi entendu, donc on parle des coups de feu, ces choses-là. Dans la vie de tous les jours, on parle, bon, on pense, admettons, aux policiers de Québec qui ont, ben, là, avec ce qui est arrivé à la fin janvier à la mosquée, c'est sûr et certain que les premiers répondants ont dû être choqués, mais quand même ont dû subir tout un stress si on prend cet événement-là, les premiers répondants, ou est-ce que dans une ville qui est quand même tranquille comme Québec, est-ce qu'ils sont, même s'ils sont préparés, est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne avec la réaction de ces personnes-là qui sont arrivées, par exemple, si on prend cet exemple-là là, de la mosquée, qui arrive sur les lieux? En fait, je pourrais dire que peu... policiers, militaires, ambulanciers, ambulancières, infirmiers, infirmières, peu importe, tous les humains, il n'y a pas personne qui peut rester insensible face à la mort. Non. Surtout quand cette mort-là est causée par un autre humain. Parce que là, il y a la relativité face à la vie que je vous parlais tout à l'heure. C'est quelque part où on est confronté à la vie ne tient pas à grand-chose et c'est un humain qui détient ma vie entre ses mains. Donc, il y a une perte de contrôle par rapport à ça. C'est de se rappeler d'une façon assez sec que la vie peut arrêter dans une seconde. Là. Exactement. Okay. Maintenant, les intervenants de première ligne, comme les policiers, les ambulanciers, les pompiers, ils ont quand même une formation. Oui, mais c'est ça. C'est ce que je disais. Il y a une formation, mais on... Ils ne voient pas ça tous les jours, là. Ils ne voient pas ça tous les jours. Heureusement, effectivement. Et ils arrivent à mettre en place, dans la majorité des cas, un processus de résilience. Ouais. OK? Où le fait, par exemple, d'être exposé à une intervention comme ça, mais où, parce que leur fonction première, c'est de sécuriser l'endroit, de travailler, d'obtenir, de retrouver, de sécuriser les citoyens, la société. Et de pouvoir arriver à atteindre cet objectif-là va améliorer, va nourrir leur résilience. Ils ont fait leur mission, ils ont atteint l'objectif de leur mission, ils ont rempli bien leur rôle. Et souvent, après ça, entre collègues, ils vont se parler et ils vont dire « Hey, on a bien travaillé, good job les boys », puis c'est satisfaisant. Ou on va retrouver un trauma ou un stress qui augmente de plus en plus, c'est dans une surexposition. C'est qu'à un moment donné, le cerveau, bon, les gens sont formés pour intervenir là-dessus, et lors de l'événement, le cerveau va produire des neurotransmetteurs qui vont permettre d'anesthésier les émotions suscitées soit par le sang, soit par l'odeur, soit par la vue, pour leur permettre d'agir. Oh, OK. OK? Et leur permettre d'être efficaces. Maintenant, si ils ont une bonne capacité de résilience, s'ils prennent soin d'eux-mêmes dans leur vie, ils arrivent à se régénérer puis à trouver quelque part une mission là-dedans. Mais ce qui est de particulier avec les gens d'uniforme, c'est cette surexposition à la mort. C'est comme un coup de soleil. Vous attrapez un coup de soleil, vous allez instinctivement vous protéger. Le soleil est encore bon, là, mais vous allez protéger la partie qui a été brûlée. Sauf que quand on est policier, policière, ou des gens qui interviennent dans ces conditions-là, l'événement peut se répéter. Et tous autant qu'on est comme individu, on est des humains, on n'est pas des robots. Et notre psychologie est dynamique. Ça veut dire qu'on peut se lever un matin, être en parfaite forme, mais il peut se passer quelque chose dans la journée qui nous ébranle. Mm-hmm. Et là, on est exposé après ça à un événement majeur et on est un peu fragilisé par rapport à ça. Et là, le trauma vient s'installer. Et ce qui va arriver souvent, c'est que, bon, si on a eu une formation qui nous amène à toujours, dans notre fonction, à être en contrôle, il peut y avoir un processus de déni qui s'installe. Okay. Par rapport à la charge émotive qui apparaît. Par exemple, je prends, admettons, un policier, une policière qui a vécu quelque chose comme, par exemple, pour la mosquée, et qui est intervenu, il y a du sang, il y a etc., etc. Le soir, quand elle va retourner chez elle, elle retourne dans un état plus sécur, c'est son chez-elle. Mm-hmm. Le cerveau tombe dans un état de repos. Ce qui il a travaillé le cerveau là, lors de l'événement. Ouais. Mais comme cette personne-là était structurée pour intervenir de la façon professionnelle qu'elle doit intervenir, le cerveau a mis en place des neurotransmetteurs qui lui permettaient d'anesthésier ça et met ces données-là de côté. Quand elle arrive chez elle le soir, elle tombe en période de repos et à ce moment-là, c'est comme si le cerveau traitait les données qu'il a mis de côté. Ouais. Donc, c'est là qu'on peut voir apparaître, par exemple, des images récurrentes. C'est là où je suis chez moi, je suis dans ma chambre, puis il y a une odeur, le sang. Voyons qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est comme, par exemple, vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur et vous lui demandez de se mettre à jour ou de downloader quelque chose. Il va vous envoyer comme commande, qu'est-ce que je fais? Je download ou bien je te... Fait que là, vous allez dire, tu downloaderas quand j'aurai fini de travailler. Mm-hmm. Fait que le cerveau fonctionne un peu de cette façon-là. Donc, si la personne, à ce moment-là, vit cette reviviscence et... est mal à l'aise et n'est pas capable de le verbaliser, se coupe émotivement de ça, et dans le déni, il peut finir par s'installer un trauma. Okay. Elle va se dire, faut que je continue de fonctionner, et là, va mettre en place des stratégies qui sont souvent, ben pas souvent, mais qui sont parfois des problèmes, comme par exemple... consommer de l'alcool. Développer une dépendance, ça en fait partie. Exactement. Et à la longue, ça devient une dépendance. Donc, ouais. Et encore aujourd'hui, malheureusement, hein, si on a une grippe et que ça se guérit pas, mm-hmm. on s'envoie le médecin. C'est correct. Mais si on a une problématique, mettons, où cette reviviscence-là, où on revit des choses, mm-hmm. puis on essaie de compenser autrement, on n'ira malheureusement pas tout de suite chercher de l'aide sur le plan psychologique pour être capable d'évacuer cette tension-là qui existe. On va essayer de s'auto-médicamenter de différentes façons. Quand on parle de l'uniforme, ça m'amène une question. On parle de l'uniforme. Ces gens-là, c'est une vocation. Déjà, en partant, je pense que pas mal tout le monde est d'accord pour dire qu'être policier, être paramédic, médecin, infirmière ou pompier, c'est une vocation à la base. On peut pas s'improviser. Là. C'est une passion. C'est une passion. C'est l'adrénaline qui les mène aussi vers cette passion-là, le besoin de l'adrénaline, de protéger, bon, on connaît tout le protéger et servir. Quand ça s'est entaché par quelque chose qui nous a pris au dépourvu, même si on s'y attend, on voit, admettons, un meurtre, on arrive sur une scène de crime, est-ce que ça se peut que ça entache notre passion? Que ça fasse comme non, puis on va vers une autre dépendance que l'adrénaline que le métier nous apportait. L'adrénaline est apportée par ce métier-là, qui oui. est notre passion. Mais on a un besoin d'adrénaline à la base de quand on choisit ces métiers-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on le compense par une dépendance? Ouais. L'adrénaline, c'est un des nombreux neurotransmetteurs qui est produit par le cerveau pour nous permettre de fonctionner là-dedans. Et effectivement, quand on est policier, policière... On fonctionne à l'adrénaline. Ceci dit, l'adrénaline apparaît... je prends par exemple un policier qui fait de la patrouille. Il reçoit un appel. Par exemple, une violence conjugale à trait de l'adresse. Vas-y. Il arrive là... Non, il n'y a pas de violence conjugale. Mais au moment où il a eu son appel, il a déjà eu une charge d'adrénaline dans le corps. C'est ça. Et ça peut se produire plusieurs fois dans le jour. L'adrénaline, elle a comme fonction de mobiliser le corps, de le mettre en état d'alerte. S'il ne met pas en place à ce moment-là un moyen pour évacuer cette adrénaline-là, bouger physiquement, souvent il va arriver chez lui le soir... Et comme l'adrénaline mobilise le corps, ben il peut se sentir des fois plus agressif, un peu plus impatient ou à tout le moins inconfortable. On va retrouver aussi parfois des gens qui vont compenser en allant s'entraîner. Mais ils vont s'entraîner d'une façon extrême, c'est-à-dire jusqu'à ce que leur corps leur fasse mal. On va retrouver des gens qui vont, excusez l'expression, mais qui poussent de la fonte jusqu'à ce que leur corps leur fasse mal pour anesthésier une douleur qui est en dedans. Donc là, on tombe dans un processus encore là de compensation extrême. Okay? Et pendant qu'ils vont faire ça, ben ils vont générer d'autres problèmes sur le plan physique aussi. Donc, ils s'installent des processus de compensation de qui vont s'amplifier de plus en plus. Ben, ça m'amène à la question, le choc post-traumatique ou le stress post-traumatique. Là, on a vu un peu le côté psychologique, donc la résilience, l'effet de revivre les événements en boucle ou régulièrement, en fait, les dépendances qu'on peut développer physiquement. Qu'est-ce que ça peut... Parce que si la personne n'a pas été nécessairement touchée, n'a pas reçu une balle, si je prends l'exemple du policier, n'a pas été brûlée, si on prend le pompier, si ces personnes-là n'ont pas été touchées nécessairement physiquement, mais comment ça peut se refléter dans le corps? Comme une dépression, des fois, peut se refléter dans le corps. Dans l'anxiété, entre autres. Souvent, les traumas, les événements vécus en haut taux de stress par les policiers ou par les personnes qui portent une uniforme vont en faire en sorte que la personne va le banaliser, l'événement. « Oh, je suis capable de passer par-dessus ça, il n'y a pas de problème, je suis fort, je suis capable de passer à travers de tout ça. » Puis aussi, les difficultés de reconnaissance de l'événement. La difficulté de la reconnaissance de l'employeur aussi, parce que ça peut arriver que l'employeur ne veut pas reconnaître tu as vécu quelque chose, mais quand tu vas être capable de passer par-dessus ça, tu es fort, puis tu sais, pas de problème avec ça. Fait que là, le policier comprend que je peux pas reconnaître que j'ai vécu un événement qui m'a touché, qui m'a fait mal, puis qui emmène un taux d'anxiété un peu plus élevé. Donc, comme, il l'a banalisé, il continue son travail, il continue à faire sa carrière, puis un autre événement va arriver, ils vont le banaliser encore. Puis, à un moment donné, l'anxiété va monter. Là, il ne sera plus capable de la gérer. Là, il va entrer dans une phase de dépression qui va l'emmener à un retrait du travail, de rencontrer un médecin, de prendre des médicaments, puis là, ça commence. Bien, c'était ma prochaine question. Au niveau de la vie personnelle, on en a entendu un peu parler. Professionnelle, est-ce que les gens sont capables de retourner au même poste qui était dans la majorité des cas que vous voyez à la vigile? Ça dépend. Il y en a qui vont bifurquer vers d'autres choses parce qu'ils ont trop tardé avant de faire connaître leur état, de faire de la consultation. Okay. Parce que souvent, les policiers vont attendre à la dernière seconde parce qu'ils connaissent les moyens, parce qu'ils sont là pour conseiller les gens de par rapport à des situations, pour les aider à avancer là-dedans. Alors, c'est pour ça que les autres, ils vont attendre. Ils vont essayer de s'en sortir tout seuls. Mais le problème, c'est là, c'est qu'ils attendent toujours, puis à un moment donné, il arrive un état de détresse ou qu'un événement dans leur vie personnelle arrive, une séparation conjugale, un deuil d'une personne importante ou une perte de travail ou une perte plus, de confiance. Hein? Puis là, ça part. Ouais. Puis là, la dépression part. Puis là, la détresse suicidaire se met en marche. Et là, c'est là que il va appeler. Et quand il appelle, il est moins une, non? Bien, je parlais de stigmates tantôt, dans le sens qu'on les voit comme étant des personnes qui sont fortes. Est-ce qu'à un moment donné, ils se font pas prendre à ce piège-là, croire qu'ils sont forts, qu'ils peuvent pas craquer? Effectivement, ce que vous apportez est très pertinent, parce que les policiers, policières, les agents de service correctionnel aussi, sont formés à être en contrôle. Mm-hmm. Quand ils interviennent, un policier, une policière qui est dans une situation, il doit intervenir, il doit contrôler. Un agent de service correctionnel aussi, ils doivent apprendre à contrôler. Mais l'ambiguïté là-dedans, c'est que comme ils sont formés à être dans cette notion de contrôle, il y a aussi une distorsion où ils doivent toujours contrôler eux-mêmes, mm-hmm, la charge émotive qu'ils vivent. Et c'est pour ça que moi, souvent, quand je suis en intervention, vous connaissez l'expression « gère ton stress ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire « gérer »?« Contrôler ». Exact. OK. On sait que les réactions physiologiques générées par le stress ne se contrôlent pas. Par exemple, si vous entendiez quelqu'un qui donnerait un gros coup de poing dans la vitre, vous sursauteriez. Ben oui. Et il y aurait déjà de l'adrénaline dans votre corps. Vous ne pourriez pas dire à votre cerveau, « Produis pas d'adrénaline, là, c'est une erreur. Ouais. C'est trop tard, c'est fait. » Donc, souvent, moi, ce que je les amène, c'est comment vivre ton stress. Réaliser quelque part que tu es dans un endroit, dans un environnement qui génère beaucoup de stress, que ça génère des réactions physiologiques involontaires qui se traduisent, mm-hmm, après ça, par certaines réactions qui sont parfois inconfortables, okay? Et qu'il faut être capable de les éliminer. Par exemple, l'adrénaline, pour pouvoir l'évacuer, comme c'est un neurotransmetteur qui mobilise physiquement, hein, on a déjà vu, par exemple, des madames dans un accident de voiture, l'enfant est dans le siège arrière, la porte est écrasée, puis elle réussissait à cause de l'adrénaline à arracher la porte. Oh oui. Donc, on voit toute cette mobilisation-là. Et cette mobilisation-là, elle est faite justement pour permettre à la personne d'assurer sa survie ou celle de la personne qui a aidé. Donc, il y a une mobilisation physique. Si, à la fin de la journée, la personne n'a pas bougé physiquement, à ce moment-là, il y a un malaise qui se produit. Mm-hmm. Et des fois même, il peut y avoir une distorsion sur le plan cognitif et le cerveau va dire, tu devais bouger. Les policiers, policières, les militaires, les agents de service correctionnel savent tous que dans une situation, dans un événement critique, le cerveau envoie, on va dire, trois commandes. Deux commandes importantes. La première, souvent, c'est la paralysie. Quelques millisecondes à une seconde où je fige, puis je prends le temps d'évaluer la situation. Oui, puis ça se passe hyper rapidement. Exactement. Après ça, les deux commandes que le cerveau envoie, c'est il y a une menace. T'attaques ou tu te sauves. Donc, tu bouges. Mais si je bouge pas, le cerveau, lui, il va dire tu manques d'énergie, t'es supposé d'attaquer. Mais le policier, la policière qui est dans sa voiture, qui reçoit des calls, puis qui tombe à zéro. Ouais. À toutes les fois, l'adrénaline s'ajoute et elle ne bouge pas physiquement. Mm-hmm. Donc, elle finit sa journée pleine d'adrénaline, inconfortable souvent. Et là, comment je l'évacue? Alors là, c'est là où je reviens tout à l'heure à mon activité physique, ouais, OK, qui doit être faite, mais dans un contexte sain. Mm-hmm. Dans un contexte qui permet à la personne de retrouver une zone de confort initiale. Ouais. Et non pas dans un processus de compensation où, quand elle s'entraîne, c'est une rage qui est garrochée, mm-hmm, une colère. Elle doit retrouver cette zone de confort-là qui lui permet, après ça, d'entrer en relation avec sa famille, avec ses enfants, avec son conjoint. Avec ses valeurs qu'elle avait déjà. Exactement, ouais. De revenir à ses ancrages initiaux. OK. OK, donc, de recharger sa batterie pour lui permettre, après ça, de bien fonctionner. On va prendre une pause. Le temps passe tellement vite. On a déjà fait une demi-heure de l'émission. Vous êtes passionnés et de ce que vous faites, messieurs, puis ça paraît, puis on vous écoutera encore longtemps. On va prendre une pause, on va continuer de vous écouter et on va revenir. J'aimerais ça qu'on aborde, oui, on va parler de la vigile, de ce que vous faites, parce que c'est hyper important, à mon avis. Mais j'aimerais aussi qu'on parle du rôle de l'employeur aussi, de ce qui est à la disposition de ces travailleurs-là en uniforme. On revient après la pause. On est de retour à l'émission Les Différents pour parler aujourd'hui de choc post-traumatique, de stress post-traumatique à propos des gens qui portent l'uniforme, qu'on pense à nos premiers répondants, aux paramédics, entre autres, aux policiers, aux pompiers, aux infirmières, aux médecins. J'ai vu aussi les avocats que la vigile que je reçois aujourd'hui peuvent aussi aider. Messieurs de la vigile, je vous représente. Il y a Jacques-Denis Simard, directeur général, et Michel Gagnon, qui est criminologue, psychothérapeute aussi, tous deux de la vigile. Je parlais avant la pause des employeurs. Je me posais la question, qu'est-ce que les employeurs font ou qu'est-ce qui est à leur disposition aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour aider ces employés-là, ces paramédics-là, ces gens-là en uniforme? Il y a, en Ontario, il y a une loi qui a été promulguée l'an passé qui reconnaît d'emblée, dès le départ, que toutes les personnes qui portent une uniforme, qui sont dans l'activité de leur travail, sont reconnues automatiquement par qu'un choc post-trauma qui peut être généré par l'événement. Au Québec, c'est différent. Mm-hmm. Il faut que la personne fasse une déclaration à la CSST. Il y a une étude qui est faite. Il faut que le médecin fasse son travail de reconnaître aussi qu'un post-trauma. Il faut que... Donc, il y a un processus qui est plus long, plus large. Est-ce que le processus a changé vu que les normes du travail puis la CSST sont ensemble, la CNESST? Non, pas je vraiment. Pense non, pas, ça vraiment. Pas, non, pas vraiment. Non, vraiment. C'est juste une unification de deux okay. services qui ont mis ensemble, là, mais non, ça change pas pour ça. Sauf que c'est soumis à la volonté d'une personne qui est gestionnaire de corps, on peut dire ensemble en parenthèse, mm-hmm. d'une gestionnaire de corps de la CSST qui va regarder, étudier le dossier et il faut que ça soit quasiment, je dirais, un processus qui est sans faille pour reconnaître la CSST. Parce qu'il y a des coûts à ça. Hein? Ouais. Donc, il faut que le processus, je veux dire, l'événement comme tel, qui est documenté, qui est reconnu par le médecin, donc il faut que la gestionnaire de cas le reconnaisse aussi. Mm-hmm. Et souvent, c'est là que ça peut... Il y a une faiblesse. Parce que, comme il y a une question de coût, c'est pas ça veut dire que si je l'envoie en thérapie, si je l'envoie en consultation externe, il y a des coûts mm-hmm. attachés à ça. Et le but de la CSST, c'est toujours de ramener le travailleur au travail. Le plus tôt possible. Ouais, ça c'est le plus tôt possible des fois qui peut être problématique dans le cas d'un stress post-traumatique. Ce qui est différent en Ontario, c'est que comme c'est reconnu d'emblée, ouais. Donc, ils n'ont pas à se battre pour faire reconnaître leur situation, leur post-trauma. Mm-hmm. Tandis qu'au Québec, il faut se battre. J'ai beaucoup ça demande de l'énergie. Là. Beaucoup, déjà qu'ils en ont presque exactement. Plus là, dans un certain sens. Exact. On pense à un état dépressif qui peut être une des répercussions. Ben, il faut se battre en plus. Oui, puis souvent, les clients, en tout cas parmi mes clients, les policiers, policières, bon, comme c'est des gens qui sont habitués d'être dans le contrôle et qui retardent, et parfois vont négliger même, il s'est passé un événement, ils vont négliger de déclarer un accident de travail. Mm-hmm. Aussi anodin soit-il. Et là, 6 mois, 1 an, parfois même 2 ans après, il s'est passé une série d'événements et tout à coup, oups, ça devient dysfonctionnel, ça va plus, c'est la dépression qui s'installe, ça fonctionne pas. Et là, bon, on les rencontre, ils vont voir le médecin, on diagnostique effectivement un choc post-traumatique. Et là, faut enclencher le processus au niveau de la CNSST. Mais là, la CNSST, d'emblée, vont refuser le cas. Parce que, pour eux, il n'y a pas eu nécessairement tous les rapports d'accident de travail qui remontent à là, 2 ans, 3 ans, etc. Il y a un temps qui s'est passé, la personne a continué de travailler, donc ils vont dire si elle a continué de travailler, était fonctionnelle. Et là, bon, ben, vous comprenez, c'est comme t'embarques dans la machine à saucisse, puis là, ben, tu te bats, puis tu te bats, puis tu dois prouver que. Ça demande de l'énergie, énormément. Comme ça se peut pas. Et en plus, ben, la personne, ben, si elle est en dépression, si elle est psychologiquement épuisée, là, c'est comme, pourquoi qu'ils reconnaissent pas ce que c'est que je vis? Puis c'est comme, il y a comme un double message, là. C'est, est-ce que je fais tout semblant de le vivre ou je le vis vraiment? Jusqu'à ce qu'il y ait cette reconnaissance-là ou... Non, c'est vraiment un choc. Ah, OK. D'avoir à le prouver, c'est quasiment, c'est presque de dire, ben, on va te croire, mais prouve-les. Donc, on ne croit pas en partant, mais, donc ça, déjà là, il y a un manque de confiance parce que, si, admettons, la situation du stress, c'est quelqu'un qui a vécu, par exemple, une défaite qu'il a fallu qu'il dégaine, peu importe, là, je prends les situations les plus courantes qu'on entend quand on n'est pas dans le milieu. Si on a eu l'impression d'avoir perdu quelque chose, j'imagine que là, si en plus il faut se battre pour prouver qu'on a... C'est toujours un combat pour ces gens-là. Déjà, ils ont combattu à journée longue dans leur métier. Ils vivent un choc et après ça, il faut qu'ils se battent encore pour prouver. Pour faire reconnaître. C'est comme s'ils étaient déclarés pas menteurs. J'irai pas jusque-là, mais tu sais, prouve-les. Prouve-les, on a des doutes. Oui, la bureaucratie est lourde. Et c'est décourageant en plus. Là, parce que c'est trop long. Ça passe ça, c'est trop long. C'est trop difficile. Ben, c'est décourageant plus, pour nous, puis on ne vit pas. La personne, elle vit en même temps toute la reviviscence par rapport à l'événement. Donc, c'est encore plus difficile. Mm-hmm. Surtout quand l'employeur ne reconnaît pas non plus. Oui. Parce que l'employeur va regarder, hein, ouais, tu veux-tu profiter du système, toi, là, puis de rebasser, de mettre les bâtons dans les roues, puis là, il va ne reconnaître pas, ou il va banaliser aussi, puis il n'y a rien là, tu es capable de passer à travers de ça, puis il n'y a rien. Ça me fait penser à la dépression. Ça me fait penser à la même chose que les gens qui vivent une dépression. Va prendre une semaine de congé, là, va-t'en dans le sud une semaine, là, ça va passer, va te reposer, puis tu reviendras. Ouais, mais disons qu'une c'est dépression... Pas comme ça. Non, c'est pas dans le trauma, c'est pas exactement comme ça, là. La dépression, c'est autre chose. C'est ça. Oui, c'est autre chose, mais j'ai l'impression que c'est comme un peu... Mais c'est un épuisement psychologique. C'est un épuisement, mais en même c'est temps, ça. Mais on dirait qu'il s'est stigmatisé ça aussi. On dirait que la les dépression? Gens... La dépression? Autant la dépression que le choc post-traumatique. Oui, là, on peut rentrer dans un phénomène social, par exemple. Hein. Quand on parle de dépression, par exemple, quand on parle de phénomène social, les gens... On parfois l'impression, hein, quand on parle de superwoman, par exemple, où il faut être parfait dans tout. Mm-hmm. Vous connaissez l'expression « donne ton 110 ». Hein? 110%. Hein? Exactement. Moi, je demande toujours aux gens, nommez-moi une marque de moteur qui peut fonctionner 20 000 km à 110%. Donc, c'est impossible. Ben donc, on doit donc comprendre qu'une personne qui donne son 110 pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, à un moment donné, elle sait qu'elle va rentrer dans le mur. C'est impossible. Le processus de compensation est trop fort. Donc, l'épuisement est là. Et lié à la dépression, parce que la dépression, c'est comme une finalité d'un processus où il y a eu beaucoup de mise en place de stratégies alternatives pour essayer de survivre. Hein? Donc, quand elle arrive à la dépression, c'est l'extrême, là. C'est « je t'atterre ». Ouais. Maintenant, dans notre société, il y a comme un paradigme au niveau d'employeur et CNSST. La CNSST, il faut qu'elle s'autofinance. Donc, à toutes les fois qu'il y a une personne qui est reconnue au niveau des accidents de travail, les coûts de l'employeur explosent. Ben oui, ça augmente. Donc, l'employeur, quelque part, a aussi un petit peu intérêt à faire attention à ça. Puis à calmer, en exactement, cas. Là, parce qu'il paie une fortune. La commande financière est excessive. Je pense que quelque part, faudrait qu'il y ait peut-être une nouvelle façon de voir ça sur le plan social. En Ontario, on reconnaît que des gens qui ont une mission sociale et qui, de facto, sont comme surexposés à des événements stresseurs, qui sont au-delà de la moyenne de tous les citoyens. Ben oui. Exactement. Donc, à ce moment-là, est-ce que, mais par exemple, tous les citoyens vont bénéficier de la sécurité policière, tous les citoyens vont bénéficier de la sécurité des pompiers. On a vu à l'autoroute 13, quand la dernière tempête, les pompiers de Montréal, etc. Même chose avec nos ambulanciers, ambulancières, agents, etc. Mais quand arrive le temps de payer pour le contribuable, à ce moment-là, comment qu'on organise ça? Donc, on rend un petit peu l'employeur imputable sur ça, mais c'est des fonctions sociales. Ben oui. Donc, peut-être qu'il y aurait quelque chose à regarder là au niveau du discours. Mais déjà, d'enlever cette épine du pied-là de ces professionnels qui donnent des fois leur vie pour... qui donnent une grosse partie de leur vie aussi pour certains. Déjà, de leur enlever cette épine du pied-là puis de leur dire, ben on vous croit. On vous soutient, on est là, puis on pénalisera pas de manière financière les employeurs à partir de la CNEST. Déjà, ça pourrait ouvrir peut-être la discussion à ces employés-là de dire, ben écoute, non, je file pas. Parce que est-ce qu'il y a encore une gêne d'aller dire, ben regarde, non, je suis fort, mais là, j'ai été faible, puis je me sens faible, ou parce que c'est vu comme de la faiblesse, là. Au Québec, particulièrement, il y a une culture du Superman ou du Superwoman. Oui, ce qu'on vient de parler, oui. C'est que du Rambo. Tu peux pas Rambo, oui. de la part de l'employeur puis de la part du policier ou du paramédic ou du pompier, c'est reconnu comme une faiblesse. Alors, je peux pas vivre ça. J'ai pas le droit. Donc, parce que la culture est tellement élevée, ma barre est tellement haute que je peux pas vivre un stress, d'autant plus que... On veut pas être différent. Ça peut amener... On est dans la thématique. On veut pas être différent des autres. Ça peut amener une difficulté de confiance avec mon partenaire, oui, avec qui je travaille dans la voiture. Est-ce que si j'ai vécu un post-trauma puis que j'ai reconnu, est-ce qu'il va avoir encore confiance en moi si j'arrive à un événement tragique? C'est des questions qu'on se pose. Oui. Donc, si d'emblée, c'est comme en Ontario, on s'est reconnu puis que le fardeau de la preuve appartient à l'employeur, de la commission de la santé sécurité au travail de reconnaître quelque chose, ben c'est beaucoup plus facile de travailler avec ça puis d'aller en consultation puis rapidement on est capable de tomber sur nos pieds, de pas être gêné. Ouais. Ben, ça c'est le volet actif, mais je dirais aussi que par exemple la CNSST, mm-hmm, et les employeurs pourrait regarder s'il n'y aurait pas moyen d'être proactif. Comme par exemple, la Vigile, on donne souvent des formations. Il m'est arrivé, c'est moi... C'est exactement là que je m'en allais à la Vigile. OK. Donc, de donner des formations à des corps policiers, pompiers, à mettre en place ce qu'on appelle des sentinelles, par exemple. Des pères aidants, services correctionnels le font. Ou des collègues, à un moment donné, voient qu'une personne vit quelque chose. Mm-hmm. Et là, elle va y taper dans le dos, puis « Hey, garde, si jamais tu as besoin. » Donc, quelque part, de travailler en amont pour éviter, à un moment donné, qu'on se rende jusqu'au bout dans l'épuisement psychologique, ouais, et que ça se traduise par une difficulté à devenir fonctionnel. Parce qu'il faut comprendre, moi, j'en connais pas parmi ces professionnels-là qui manipulent le système. J'en connais pas. Les gens veulent travailler. Et le travail, c'est quelque chose de valorisant. Puis surtout, comme on parlait tantôt, de travailler dans notre passion, d'en vivre. Oui. C'est d'autant plus admirable. Là, puis je pense pas qu'ils veuillent jeter l'éponge comme ça, là, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. S'ils n'aiment pas ça, ils ne seraient pas là. Exact. C'est ça la mission de la Vigile, de ramener les gens à exercer à nouveau leur passion. Mm-hmm. En passant par le traitement. Est-ce que des fois, ils vont le changer un petit peu, la passion? Comme on parlait tantôt, là, des fois, bon, un policier de terrain va peut-être être dans les bureaux, mais il va continuer. Est-ce que vous les accompagnez dans cette réorientation-là, mais en étant tout de même dans l'aide? D'abord, il faut comprendre que quand les gens viennent à la maison de la Vigile pour un séjour, C'est ça. Vous, il y a des, il y a un service de séjour, mais il y a aussi des services externes. OK. Oui, c'est ça. Donc, mais on a quatre divisions, mais je vais m'attarder sur la maison parce qu'on fait un travail de terrain. Mm-hmm. Le but de notre but de notre maison, c'est de permettre à la personne de s'ajuster aux besoins de cette personne-là. Souvent, il arrive en dépression, en état de détresse, et beaucoup d'anxiété. Mm-hmm. Puis là, nos intervenants sont formés pour ça. Ils reconnaissent des symptômes de post-trauma. Là, ils questionnent. Puis là, à un moment donné, les symptômes viennent, et là, on reconnaît qu'il y a ou une possibilité qu'il y a un post-trauma qui n'a jamais été traité. Mm-hmm. Puis des fois, ça remonte à plusieurs années avant. Mais quand on voit ça, on les fait évaluer par une psychologue qu'on a à Québec avec qui on fait affaire et qui est spécialisée dans le post-trauma. Puis une fois que chaque fois, ça s'est confirmé. Je dirais que 10% de la clientèle qui vient chez nous, on passe par ce biais-là. Et quand le post-trauma est reconnu, Et donc, à ce moment-là, notre approche va changer. Mm-hmm. Notre but, c'est de rencontrer la personne, de lui permettre de faire un meilleur séjour possible et de traiter les vraies difficultés pour permettre à cette personne-là de retrouver un apaisement, de retrouver son travail, de retrouver sa passion, de retourner... Bon, c'est le but qu'on poursuit. Ou des fois aussi de peut-être changer de branche aussi, parce qu'il y en a qui se rendent compte que c'est plus pour moi, mes valeurs ont changé, j'ai évolué. Beaucoup, après une dépression, vont changer de métier, par exemple. Donc, des fois, mais vous les accompagnez au travers de ce processus-là, malgré qu'il reste plus en uniforme. Il y a une difficulté majeure par rapport à ça. Oui, il y en a des gens qui diraient... Oui, je pense que je pourrais m'orienter dans une autre fonction, dans un autre métier, dans une autre profession. Mais la difficulté au niveau de la prestation de travail, du contrat de travail, donc le salaire, puis tout ce que ça enclenche. Parce que démissionner de comme policier, maintenant je prends l'exemple de policier, démissionner de cette fonction-là, pour aller exercer un travail dans un autre domaine. Mais des fois, c'est trop, là, aussi. On veut se guérir, mais on ne veut pas retourner. Que des fois, ce qui vient s'ajouter à ça, souvent, c'est le deuil. Je me suis investi dans ma formation de policier, de policière. Mm-hmm. J'ai fait mon DEC police. Mm-hmm. J'étais allé à l'École nationale de police. Puis mon idéal, c'est de servir la population. Faire un deuil de ça, c'est quelque chose qui vient s'ajouter. Ouais, hein? Au trauma qui est vécu. Et ça fait quelque part, là, c'est un cheminement qui est très lourd à faire. Je dis pas que c'est irréaliste, je dis pas que c'est pas faisable. Il faut accompagner la personne avec ça. Parce que faire ce deuil-là, il faut qu'à un moment donné, elle réalise que c'est peut-être pour un mieux-être. Ouais. Mais c'est tout un processus. Là. C'est pas quelque chose... vous l'aviez dit dès le début, ce sont des gens qui sont passionnés. Ce sont des gens qui se donnent là-dedans. C'est humains. Une vocation. Et des humains oui. aussi Donc, derrière ça. Laisser tomber une vocation, oui. quelque chose qui nous appelle, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est chacun sa décision. Tant qu'on est en paix avec notre décision. Oui. Messieurs, c'est déjà terminé pour... on va parler. écoutez... Je vous remercie. Je voulais vous inviter, dans le fond, si vous voulez en apprendre plus sur la vigile. Votre site Internet est vraiment bien documenté et vous nous envoyez aussi vers d'autres liens aussi où est-ce qu'on peut. Le site, c'est lavigile.qc.ca, si je me trompe pas. Exactement. Et un numéro d'urgence, 1-888-315-0007. Merci d'être passé à l'émission ce matin. Jacques-Denis Simard, directeur général, et Michel Gagnon, criminologue et psychothérapeute de la Vigile. Merci, messieurs.